Pouvez-vous nous expliquer un peu de quoi parle cette chanson ? La chanson parle plutôt sur les différents côtés, différents aspects du mouvement actuel en Iran. Que chaque aspect, il y a une racine dans l'histoire d'Iran, l'histoire de résistance en Iran. Et vous pouvez voir facilement différents visages de différents rôles actifs dans le mouvement, des femmes, des minorités, différentes nationalités en Iran, différentes langues en Iran, et différents visages des gens sans papier, sans abri en Iran, qu'ils ont dans la banlieue de différentes grandes villes. Dans la chanson, ils ont essayé de faire un lien entre tout, mais dans le contexte de résistance contre l'oppression. Et ça, je pense que c'est, à mon avis, c'est ça. Super chanson d'avoir comme l'antenne pour la révolution en Iran, mais quand même, je pense que dans le mouvement, on peut avoir le plus riche que ça. Tu as choisi une version alternative, c'est ça ? Parce que les deux autres ici, vous ne connaissez pas cette version-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs versions. Après, je pense qu'il y a des paroles qui sont sorties au début du mouvement, des paroles qui sont révolutionnaires et qui signifient tous la même chose, en fait, qui veulent tous transmettre le même message, sauf qu'il y a différents chanteurs ou différents acteurs qui l'ont formulé de façon différente, mais toutes les chansons veulent transmettre le même message, c'est qu'on est tous ensemble, solidaires, on avance, et on avance au nom de la liberté, on avance au nom des droits de l'homme, pour les, comme tu viens de dire, pour les différentes couches sociétales, et pour défendre les mêmes principes démocratiques, sociétales. Mm-hmm. Oui, mais avant de revenir là-dessus, je pense que c'est une bonne idée d'expliquer un peu l'Iran, parce que l'Iran n'est pas très connu par les Belges, en fait. L'histoire, on sait qu'il y a eu un Khomeini, voilà, mais comment est-ce que la République islamique est arrivée, en fait, dans votre pays ? Ce qu'il faut savoir, c'est que la date clé de l'instauration du régime de la République islamique d'Iran est arrivée en 1979. Mais 1979 clôture en réalité, la révolution de 1979 clôture en réalité 2500 ans de royauté persane. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Iran, c'est le nom moderne de ce qu'on appelle, de ce qu'on appelait à l'époque la Perse. La Perse qui a été un des premiers empires, c'est une des premières civilisations pas loin de la Mésopotamie. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette révolution, elle était d'abord et avant tout contre la monarchie de l'époque et pour instaurer la République, pour instaurer des libertés nouvelles, pour, disait-on à l'époque, des promesses de prospérité, de bien-être matériel. Et ce qui s'est passé, c'est que les Iraniennes et les Iraniens ont fait la révolution contre le Shah en pensant qu'ils allaient arriver à un idéal de liberté nouveau et à du bien-être matériel augmenté. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'après très peu de temps, le peuple iranien a déchanté. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui a gagné, c'est l'instauration d'un régime théocratique autoritaire. Donc en fait, on est parti d'une situation où on était dans une monarchie. Certes, il y avait beaucoup de difficultés économiques. Certes, il y avait une répression. Il y avait une verticalité du pouvoir. Et il n'y avait pas la tradition démocratique qu'on peut connaître en Europe au même moment. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que la révolution a eu lieu, les Iraniens et les Iraniens, en fait, avaient été sortis dans la rue pour plus de liberté. Et on s'est retrouvé en fait, à une situation comme presque une situation pire, voire vraiment pire que la situation précédente. Donc, voilà, je pense que les Iraniens et les Iraniens ont beaucoup évolué entre-temps. Il y a un niveau de conscience, un niveau d'éducation jamais atteint dans l'histoire de l'Iran, couplé au fait que les Iraniennes et les Iraniens sont à présent, comme dans beaucoup d'autres pays du monde, interconnectés les uns aux autres par les réseaux sociaux. Et donc on arrive à une situation où il y a un niveau éducatif qui est énorme, des universités à foison aux quatre coins de l'Iran, avec fait particulier un nombre d'étudiants qui est supérieur de la gente féminine sur la gente masculine. Donc il y a plus d'étudiantes que d'étudiants. Donc ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Donc le niveau éducatif couplé au fait que les réseaux sociaux, on voit bien qu'en fait le droit à une vie normale, le droit à la liberté, en fait c'est un droit qui est universel. C'est pas juste d'un pays occidental ou pas. Donc voilà, je pense que ces deux éléments-là ont fait en sorte qu'il y a une prise de conscience. Et voilà, je voulais juste rappeler que la Perse, l'Iran, la culture, c'est quelque chose qui est millénaire et qui dépasse largement l'horizon de la République islamique d'Iran. Le régime de la République islamique d'Iran est un régime nouveau dans l'histoire de l'Iran. Ça ne fait que 43 ans, entre des grosses guillemets bien sûr, mais sur 2500 ans d'histoire de la Perse et de l'Iran, ça n'est qu'une petite partie de l'histoire. Voilà. Et comment est-ce qu'ils sont arrivés à s'accaparer de cette révolution ? Mais c'est pour répondre à votre première question, en fait. Je trouve important aussi, par rapport à cet élément historique, d'ajouter aussi un élément de réponse lié à l'image. Parce que vous avez commencé votre question en disant « l'Iran est inconnu ». En effet, l'Iran était inconnu jusqu'à la révolution actuelle, et surtout les Iraniens. La vraie image, en fait, des Iraniens. Pendant 43 ans ou 44 ans de dictature, le gouvernement et les médias ont vraiment publié une image erronée de l'Iran sur plusieurs dimensions, sur la dimension culturelle, éducative. Tu parlais justement des universités. Sur le plan religieux, parce que il y a des Iraniens qui sont chrétiens, il y a des Iraniens qui sont baraïs, il y a des Iraniens et qui savent coexister ensemble, qui savent vivre ensemble. Mais que c'est vraiment, je pense que un des points positifs aussi du mouvement actuel, c'était justement de faire connaître la vraie image de l'Iran et du peuple iranien. Je vais connecter un peu d'explications que les amis ils ont déjà commencé, mais je vais ajouter aussi autre point. Parce que l'histoire d'Iran, après le 15e siècle, au 16e, c'est bien basé sur les deux paramètres importants, nationalisme et chiisme. Les deux bases qu'ils ont toujours définies, l'histoire et aussi la situation actuelle en Iran, différents régimes qu'ils ont arrivés. Bien sûr, quand on arrive avant la révolution iranienne 79, on voit aussi on doit toujours demander pourquoi les gens ils ont fait la révolution. C'est pas juste des mullahs ou certains mouvements religieux qu'ils ont décidé de venir et prendre le pouvoir. C'est pas comme ça. Ça a été vraiment une révolution et les gens ils ont demandé, comme Nima a dit, autre chose, autre liberté, autre manière de vivre et autre système d'organiser la société. Et je pense que toujours, pendant le régime iranien, après 79, ils ont bien utilisé, plus important et plus fort que le régime de Shah, le nationalisme et le chiisme. Mais pendant le Shah, le nationalisme, ça a été plus fort. Et après 79, on voit que le nationalisme, ça reste encore. Mais le chiisme, ils ont pris la place. Et puis, on a la même tyrannie, mais après 79, on a le niveau complètement différent de Shah. Extrêmement plus fort, répression, etc. Mais on a le même contexte au sujet de répression de minorités dans la société et le chauvinisme de Perse et aussi centralisme en Iran. Ça veut dire Téhéran, Perse, qui parle Perse, c'est vrai iranien. Alors, c'est 8 millions Kurdes, 15 millions Turcs, 4 millions Arabes, ou Turkmènes, ou les Balouches, etc. Ils n'ont pas dans le même contexte. S'ils ont essayé de parler perse et s'ils ont suivi le centralisme en Iran, bien sûr, ils ont bien accepté. Mais sinon, non. Après 79, on a eu différents mouvements en Iran. On a eu différentes situations, crises en Iran. Mais je pense que le mouvement actuel, c'est le seul mouvement qui a bien effacé le nationalisme et le chiisme comme de base de actualité du système dirigeant en Iran avant la révolution de 79 et après. La chanson qu'on a commencé avec, ça commençait exactement juste répéter les choses que les gens dans l'université, dans les rues et dans différents côtés d'Iran, ils ont essayé de chanter ça avec les différentes manières. Ça, j'aime bien beaucoup parce que c'est pas juste le mot au concept pluralisme, mais c'est une vague qui commence d'effacer les différentes barrières qui sont restées dans l'histoire, comme nationalisme et chiisme, que j'ai déjà dit. Et aussi, pas juste à Téhéran, ça commence partout. Par rapport à ce que tu disais, justement, il y a eu en effet plusieurs moments où il y a eu un mouvement au niveau des citoyens. Quand Khomeini, il faut se dire que quand Khomeini il est arrivé au pouvoir, il est arrivé aussi avec le slogan « Liberté, je viens vous sauver, je viens avec le droit de l'homme, etc. » Mais très vite, ça a dérapé. Je pense que ça a commencé avec justement l'instauration de la tenue vestimentaire en imposant aux femmes de s'habiller, de porter voile, etc. Et donc d'imposer en fait une pratique, peu importe les croyances des personnes, sans avoir le respect justement pour ce que les gens pensaient et croyaient. Et donc là aussi, à un moment donné, il y a eu un mouvement des femmes au tout début, je pense que c'était en 88, c'était au tout début en fait, je n'ai plus la date en tête, mais malheureusement, comme tous les autres mouvements qui sont arrivés par après, ça a été très vite essoufflé de par la répression sauvage du gouvernement. Mais en tout cas, on n'arrêtera pas le dire ce soir, cette fois-ci, c'est différent. Juste pour rebondir sur un petit point que Reza a dit, et effectivement, je crois que les deux forces du maintien de ces pouvoirs un peu autocratique, totalitaire, c'est justement que c'est reposé, comme il disait, sur le nationalisme et sur le chiisme. Et donc le chiisme, pour rappeler à vos auditeurs, c'est une des branches de l'islam. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'islam, il y a deux grandes tendances. Il y a le sunnisme et il y a le chiisme. Il faut savoir que 90% des musulmans à travers le monde sont musulmans sunnites. Et que seulement environ 10 à 15% des musulmans dans le monde sont chiites, et 90% de l'Iran est chiite. Donc c'est un des bastions, si vous voulez, du chiisme international. Et on voit bien que dans les pays qui sont limitrophes ou proches de l'Iran, par exemple l'Irak, le Liban, la Syrie, ou les pays du Golfe comme le Bahreïn ou le Qatar, il y a, on peut compter, des populations chiites. Et donc l'Iran use aussi de ce schisme à l'international pour asseoir son pouvoir dans le pays même, donc à l'échelle nationale. Donc c'est un peu le soft power, si vous voulez, à l'iranienne, sauf que bon, le soft power, ça ne se décrit pas avec des comics et, ou des mangas japonais, mais c'est par le schisme et donc la contribution même financière à des groupes chiites armés à l'être en dehors des frontières de l'Iran. Et donc on rejoint un peu, si vous voulez, ce côté impérialiste mais iranien, impérialiste chiite de ce côté-ci, et qui rejoint un peu ce qu'il disait avec l'empire et donc un peu les envies d'empire que même les mollahs ont quelque part, c'est un peu une continuité dans ce principe-là. Ça, c'était un point que je voulais dire. Et alors, le deuxième point, c'est que aussi, vous disiez, mais comment ça se fait que c'est la République islamique qui l'a emporté? Je crois que c'est dû aussi au fait que l'Iran, contrairement, donc l'islam chiite, contrairement à l'islam sunnite, est organisé sous forme d'un clergé. C'est-à-dire qu'il y a une église, dans le sens institution religieuse, et donc une organisation, des niveaux de pouvoir, comme ici, on peut avoir des évêques, des archevêques et des bazars. Alors, en Iran, il y a les titres comme ça, et donc le titre le plus élevé, les ayatollahs. Et donc, c'est de là qu'on dit l'ayatollah Khomeini, parce que c'est un des titres les plus élevés. C'est un peu comme le pape, si vous voulez, je vous fais une image très grossière. Hein. C'est pas exactement ça, mais c'est un peu le pape chiite. Le guide suprême. Le guide suprême, et donc le pape chiite. Mm-hmm. Et donc, ce clergé, cette organisation très forte, que ça soit dans la capitale ou à l'extérieur de la capitale, dans les villes plus périphériques, a fait en sorte qu'au moment où il fallait faire la prise du pouvoir après l'exil du Shah, ils étaient très organisés, en fait. Donc, je pense que leur organisation et la profusion de l'islam chiite dans les cœurs des Iraniens à l'époque a fait aussi en sorte qu'ils ont pu renverser, alors qu'ils ont fait des alliances de circonstances à l'époque avec des groupes qui étaient des groupes de gauche, pas du tout réactionnaire ou autre. Donc voilà, mais c'est, je pense, en partie pour ça qu'ils l'ont emporté dans cette période 79 jusqu'à aujourd'hui. Mais pour rappeler du coup aussi le pied de nez qui est aussi intéressant, c'est que ce mouvement, entre autres, démarre des femmes. Et donc le régime islamique, ce qu'il avait essayé, je pense, c'était d'opprimer les femmes. Et en fait, l'oppression des femmes, c'est comme on disait, c'est que, en fait, c'est le symptôme d'une oppression même plus large. Si vous commencez par opprimer les humains, c'est-à-dire la moitié plus ou moins des humains, c'est que vous êtes capable d'opprimer en fait tout le monde, que ça soit les minorités, que ça soit les étrangers, que ça soit les personnes qui n'ont pas la même confession que vous. Et donc, cette oppression de la femme était en fait le symbole aussi du maintien du régime. Et donc, le fait que les femmes se mettent en mouvement, c'est un bras d'honneur à ces personnes-là qui ont, de tout temps, dès le départ, comme Pégal a rappelé, essayé d'imposer des tenues vestimentaires, l'imposition du voile islamique obligatoire, etc., justement pour essayer de contrôler les esprits. Donc, on part du contrôle de la femme et du corps de la femme pour aller vers une oppression plus large de contrôle de tout le monde, en fait. Oui, je voudrais juste ajouter une chose, que la question du schisme, que maintenant on a parlé, c'est, comme j'ai déjà dit, c'est dans la histoire actuelle en Iran. On a nationalisme et schisme qui ont travaillé ensemble et ils ont décidé et défini l'histoire d'Iran. Pendant le Shah, par exemple, les schismes, ils ont toujours la bonne place. Ça veut dire le Shah même, père du Shah, et aussi le système monarchie avant le Shah aussi, ils ont bien connecté, bien marché ensemble avec les, comment on dit, les supreme leaders, guide suprême, etc. Ils ont, pour avoir comme un Shah, après le père, etc., bien sûr, pas la mère, ils ont toujours continué avec le système religieux chiite de le faire ça. Ça, c'est une chose qu'on doit savoir, pourquoi pendant la révolution 79, on a eu un mouvement très large, gauchiste, démocrate, libéral, et quand même les chiites et pourquoi ils ont gagné la révolution et pourquoi ils ont accepté d'être porte-parole de révolution avec les impérialistes qu'ils ont décidé de faire un contrat avec eux, pas avec les autres. Parce qu'ils ont, comme Nima a dit, ils ont bien organisé. Ils ont organisé pendant le Shah, avant le Shah. Ils ont toujours été dans le système. Pendant la révolution vite de Shah, qui c'est une réforme de, en haut, de bas, ils ont perdu quelques points, quelques avantages, mais ils ont resté toujours dans le système ou à côté du système. Après la révolution, ils ont été les seuls, ou pendant la révolution, ils ont été les seuls mouvements bien organisés partout dans le pays, avec grandes relations internationales avec les États impérialistes du monde. Mais les mouvements gauchistes en Iran, par exemple, ils ont été connectés avec les mouvements de Palestine. Ils ont été connectés avec les mouvements des Kurdes, ou en Turquie, ou etc. Ou les mouvements libéraux, etc. Ils ont les intellectuels qui sont arrivés après 68 en Iran, ils ont pensé qu'avec d'autres manières, ils peuvent changer la société. C'est important pourquoi, après la révolution, les chiisme qu'ils ont avant la révolution, ils ont resté à côté ou dans le système, et maintenant, ils ont été le visage du système. Tout le monde, au début de la révolution, pensait que les Akhonds, les Mollahs, ne pouvaient pas diriger le pays. Mais c'est rien à voir. Ils ont été juste. Ils ont gagné le système et pouvoir. Ils peuvent organiser le système. Le pétrole, c'est dans ses mains. Ça veut dire l'économie mondiale, les impérialistes, ils n'ont jamais, jamais fermé un jour le tube de pétrole. Ils ont toujours gagné le pétrole de l'Iran avec le Mollah, comme les chats. Et les militaires ou armées d'Iran, ils n'ont pas touché les armées. Ils ont exécuté certains généraux, mais ils ont gardé l'armée. Que ça a été une armée américaine. Ils ont gardé l'armée et pendant la guerre, ils ont utilisé ça aussi. Mais je voudrais juste ajouter ça, que la place du chiisme en Iran et aussi comment ils ont facilement argumenté la répression des femmes au début, après deux mois après la révolution en Iran. Les femmes, ils ont été le seul mouvement, pas gauchiste, pas libéral, pas démocratien, le seul mouvement qu'ils ont arrivé cinq jours, ils ont bloqué différentes villes en Iran, comme Téhéran, cinq jours bloqué Téhéran, c'est pas une blague, c'est une plus grande ville de, après Istanbul au Moyen-Orient. Et ils ont demandé qu'on ne fait pas révolution de rester ou aller derrière. On veut aller juste pour d'autres demandes qu'on a, demandes politiques. Mais le Khomeini, il a décidé de supprimer le mouvement des femmes et aussi avec grande répression dans le droit. Avec les charia et aussi la constitution, de laisser toutes les choses que la révolution a fait et commencer avec la répression contre les femmes. Ça, je pense que c'est plus important de savoir le rôle de religion, plutôt ici chiisme, commencer de répression en Iran, parce qu'après, dans la prison, pendant les années 80, 90, on voit combien mille de militants de gauche ou démocrates ils ont exécuté à base de la même chose qu'ils ont les premières attaques qu'ils ont fait contre les femmes. Mais personne n'a regardé ça, personne n'a fait attention de ça. Et puis après, ça arrivait avec les différents mouvements. Mais c'est juste pour dire que moi qui n'ai pas vécu en fait hein, cette période, donc ce sont mes parents qui l'ont vécu. Mais c'est dingue quand on voit les images, on peut pas s'imaginer la scène. Hein. Donc c'est vraiment c'est ce qu'ils sont en train d'expliquer là. C'est assez violent. Hein. C'est impressionnant quand on regarde les images. Il faut voir les images pour pouvoir s'imaginer en fait à quel point ça peut aller loin en fait. Le comportement dans les rues. Je vois encore les scènes où les femmes religieuses en fait qui venaient en rue juste après l'arrivée au pouvoir de Khomeini pour mettre la pression sur les femmes. Les femmes sont tirées, mais c'est un peu comme les scènes qu'on continue à voir hein, encore aujourd'hui après 43 ans. On continue à voir ce genre d'images, mais c'est assez violent. C'est vraiment un enjeu de pouvoir. C'est je me sens plus forte et je me permets tout, tout, tout. Et ça, c'est une réalité. Vous avez parlé d'impérialisme et vous avez parlé du pétrole. Je pense que c'est un aspect important. Hein, donc après la Deuxième Guerre mondiale, donc le pétrole, on arrive dans un capitalisme pétrolier. En fait, sur le plan économique et le fait que l'Iran exporte tellement de pétrole, quel est le rôle que ça a joué dans la situation avec les chats et puis par après avec la République islamique ? Pour rappel, l'Iran, c'est environ la sixième réserve de pétrole au monde et la deuxième de gaz. Donc une fois que vous avez ces données, comme on dit, la géopolitique, elle induit la politique. Il n'y a rien à faire. Il y a question de réel politique. Quand vous êtes à ce point doté de réserves d'hydrocarbures et que l'économie monde est basée sur les hydrocarbures, vous faites objet de convoitise, tout simplement. Comme d'autres pays peuvent l'être. Et donc, l'Iran a été, dès les premières gouttes de pétrole trouvées, à partir de 1909, c'est la première goutte de pétrole qui a été trouvée en Iran, l'objet de convoitise. Mais c'est vrai que post-guerre, l'Iran a essayé de faire, a essayé à plusieurs reprises de nationaliser les compagnies de pétrole qui étaient à l'époque développées par des Occidentaux, d'abord initialement par des Anglais, mais puis plus tard par des Américains aussi. Mais donc, je pense que le rôle du pétrole a joué quelque part, en tout cas politiquement, en notre défaveur. Parce que être l'objet de convoitise de puissances étrangères, impérialistes occidentales, a en fait provoqué le fait que c'était plus souhaitable, en tout cas, que l'Iran soit affaibli. Et au moment où le Shah d'Iran, à l'époque, commençait à comprendre qu'il fallait absolument nationaliser le pétrole. Et actuellement, aujourd'hui, c'est pour ça que je pense que, comme Reza disait tout à l'heure, c'est que la place de l'Iran dans l'économie monde fait aussi en sorte qu'il y ait certaines décisions qui sont prises ou pas politiquement, et qui fait en sorte que, par exemple, le régime théocratique iranien a pu survivre aussi. C'est en partie parce que les grosses rentrées d'argent pouvaient financer un État avec beaucoup de répression, différentes sortes de milices. On a, je pense, l'Iran, un des systèmes sécuritaires les plus développés au monde, avec peut-être 4-5 sortes de polices différentes, une armée, des armées en dehors du pays, comme je le disais, les soft power. Tout ça est financé sur les pétrodollars. Donc, je pense qu'il y a, il faut toujours faire le lien entre, comme un prof à l'université me disait, suis les gazoducs, et tu trouveras les zones de guerre et de conflit. Donc je pense que ça, c'est un truc à garder à l'esprit. Oui, c'est un super sujet de continuer de discussion. Je pense que la question du pétrole et aussi l'impérialisme, c'est bien connecté. Si on parle sur l'Iran, on ne peut pas oublier les deux. Et je vais ajouter le troisième aussi, parce que pendant l'année 50, exactement après la guerre ici en Deuxième Guerre mondiale, l'année 50 et 60 jusqu'à début 70, l'Iran, ils ont eu les plus grands syndicats d'ouvriers du Moyen-Orient. Ça a été les industriels de pétrole, c'est pas autre chose. Pas agriculture, pas le tapis, rien. Industriels de pétrole. Et aussi, à base de ça, ils ont fait un coup d'État, un coup militaire en Iran en 1953 contre le premier ministre Mossadegh de avoir le contrôle de pétrole en Iran et pas nationaliser le pétrole, comme Nima a déjà expliqué. Parce qu'après nationalisation, le monde capitaliste, avant ça a été Angleterre et puis les États-Unis, mais on parle global monde capitaliste, ils ont perdu un grand morceau de partie d'export de pétrole d'Iran. Et ils ont décidé de renverser Mossadegh et ils ont dit, voilà, ok, on garde votre pétrole, c'est maintenant bien nationalisé. Mais maintenant, ce nouveau contrat, après 53, ils ont signé un nouveau contrat de légitimer l'export de pétrole d'Iran, 70% encore moins cher que d'autres pays de Golfe, etc. Ça veut dire encore autre manière de colonialiser le pétrole d'Iran, quand même que c'est déjà nationalisé sur le papier. Dans ce moment, Shah est bien rentré en Iran après coup d'État. Il a appris deux rôles importants pour les impérialismes dans la région. Gendarme de région, ça veut dire les plus grands militaires, cinquième militaire du monde, et aussi dans la région, les premiers, de contrôler les chemins de pétrole et aussi contrôler tous les mouvements gauchistes, d'autres mouvements anticolonialistes, anti-impérialistes dans les régions. Les Shah a été le seul pouvoir qui peut facilement, après le signal de l'États-Unis ou d'autres pays impérialistes, aller éliminer ça. On a différents exemples en Yémen, Oman, etc., que régime de Shah, ils ont vraiment intervenu et fait ça. Et deuxième rôle, ça restait comme avant, exportation de pétrole. Après la révolution, le premier rôle, gendarme de région, c'est fini. Parce qu'il n'y a pas de Shah, les généraux, ils ont sorti de l'Iran ou exécuté par le régime théocratique de Khomeini. Alors, ils ont juste laissé la deuxième rôle, et aussi c'est un bon vraiment compromis entre les deux, de rester sur le pouvoir, éliminer tous les mouvements populaires comme les femmes, mouvements étudiants et ouvriers, etc. Mais l'exportation de pétrole doit continuer et rester comme ça. Et ça restait aussi comme ça pendant le régime Khomeini, au régime islamique en Iran. Pendant l'année 80, par exemple, ça a été beaucoup de mouvements juste après l'exécution des prisonniers politiques en Iran. Ça a été plein de différents mouvements ouvriers, mouvements étudiants, etc., qu'ils ont vraiment essayé de bloquer des rues, et bloquer certains côtés des villes, etc. Mais le régime iranien, ils ont encore fait une grande répression. Mais le monde actuel, européen, les États-Unis, etc., ils ont fermé les yeux parce que l'exportation de pétrole continuait comme ça. Pendant le Khatami, qu'ils ont dit que c'est un réformiste dans la classe dirigeante d'Iran, et ils ont ouvert la porte pour les Européens, etc. Ça a été la même chose. Les ouvriers, ils ont fait deux ou trois grandes, vraiment, uprising, grève, manifestations, etc. Que ça a été quelques mois, et ils ont attaqué avec le tank dans la fabrique de pétrole du sud d'Iran. Mais personne ne sait ça, parce que c'est très récent, mais personne n'a écouté ou lu quelque chose sur ça, parce que le pétrole va continuer de manière d'exportation. Et aussi maintenant encore, c'est le seul moment qu'on tente beaucoup de choses du mouvement iranien, des femmes, etc. Pourquoi? Parce que c'est avec la sanction, on sait que l'exportation de pétrole, c'est bien limité. Parce que maintenant, les médias dans les différents pays européens et les États-Unis, etc., ils ont bien expliqué qu'est-ce qui se passe en Iran. Ils ont dit que voilà qu'est-ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas la même manière comme avant. Ils ont maintenant Irak, Koweït, etc., qu'ils ont trouvé la place d'Iran dans l'économie mondiale de pétrole. Alors, le régime iranien, c'est dans une situation très difficile avec l'économie. Et le seul chemin d'économie avec l'économie globale, c'est le pétrole. Alors, ils ont parfois essayé d'un peu présenter ou discuter sur les mouvements en Iran. En fait, je pense que, comme tu dis, oui, c'est limité, mais je pense que ça reste un frein. Le pétrole reste un frein actuellement au mouvement révolutionnaire. Donc, moi, je pense vraiment que c'est un constat incontestable. Il y a des pays actuellement, des pays occidentaux, qui ne se positionnent pas ou qui ne soutiennent pas le mouvement, justement parce qu'il y a des intérêts économiques. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de photo, on le sait tous. Donc c'est un élément qui continue malheureusement à jouer un rôle important et qui passe de temps en temps avant les droits de l'homme. Est-ce que je peux proposer qu'on passe une petite musique comme ça? Très bien. On peut prendre haleine. رها شدی ز طوق بندگی شب سیاه که ما سهر شود تمام تا سیانه ها تبر شود که رو جوانه ها صدا شدیم من و تو و دگر دوباره ما شدیم قسم به خون پاک لاله ها به Reza, tu peux nous expliquer un peu la chanson? Oui, la chanson, c'est de, je pense que les mélodies, ça a été assez connu. Ça a été les chansons connues en Amérique latine et puis dans tout le monde, on connaît ça, El Pueblo Unido. Mais en Iran, ils ont chanté ça pendant la révolution 79, essayé de venir occuper des rues, mais avec la même mélodie. Et maintenant, dans le mouvement actuel, ils ont utilisé avec d'autres textes. C'est plutôt comme les premières chansons. Ils ont bien essayé de dire de l'unification dans différentes couches de société. Ça, c'est très rare dans notre mouvement. Avant, ça a été toujours un héros. Avant, ça a été toujours une image. Le mouvement actuel, ça trouve toujours le chemin dans l'intersection et link entre différentes couches supprimées ou inconnues dans la société. Quand même que dans l'image de cette chanson, on peut voir que les gens à Téhéran, ils ont fait dans l'université, dans la couloir, sur l'escalier, ils ont fait ça parce que c'est un bon acoustique. Mais quand même, ils ont fait un montage avec différentes images qu'ils ont fait dans la rue. Les étudiants des arts, ils ont fait bien photographie. Alors, ils ont fait les filles qu'ils ont fait bisous dans la rue, comme peut-être lesbiennes. Lesbiennes, et aussi les hommes, et aussi les Kurdes, Arabes, Balouches, etc. Ils ont fait un bon montage d'une image que tu penses que c'est Iran. D'autres Irans qu'on sait dans toutes les histoires, qui toujours répétaient un chat ou un mollah ou un dirigeant avec les soldats, etc. Ça, j'aime bien beaucoup. Et je pense que c'est bien connecté et bien mélangé avec les histoires de chansons dans le monde, comme Amérique latine, contre Franco, les anarchistes, etc. Je pense que c'est bien connecté avec ça aussi. Ça, c'est, je pense, globalisation de bas. Ah oui, magnifique. Mais peut-être qu'on peut parler plutôt du mouvement aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, vous avez de l'espoir? C'est une question, une très belle question. Je pense que ce qui change des autres révolutions qu'il y a pu avoir dans l'histoire de l'Iran, mais même globalement à l'échelle de la planète, c'est un peu ce que disait Reza, en fait. C'est que en temps ordinaire, dans une révolution un peu standard des mouvements contestataires, souvent, il y a un leader ou une leaderuse. Mais bon, c'était souvent un leader parce que voilà, on a un système, malheureusement, qui a été très longtemps patriarcal et sexiste. Un leader avec une idéologie. Donc, c'était souvent la combinaison, en fait, d'un homme fort qui dirige et qui a une idéologie. Et donc, on suit cette idéologie pour renverser un pouvoir en place. Ici, ce qui se passe, c'est que je pense qu'on part, même si c'est une situation très difficile, très douloureuse, et je rappelle que le peuple iranien est endeuillé actuellement, parce qu'on a au moins 600 à 700 morts. On a plus de 20 000 personnes, au moins 20 000 personnes. Ça, c'est les chiffres plus ou moins qu'on arrive à avoir, parce qu'il n'y a pas de statistiques officielles, comme vous pouvez bien le savoir. 20 000 personnes emprisonnées à la suite de ces mouvements-ci. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que dans cette nuit noire qui dure depuis maintenant 43 ans, la répression a fait en sorte... La chance, en réalité, le seul point positif que je peux observer ici, c'est que la répression a en fait fédéré le peuple. Là où avant, il y avait des idéologies différentes, il y avait des chapelles différentes, il y avait des ethnies différentes, face à un oppresseur qui a en fait maté, tué arbitrairement, il y a une fédération tout d'un coup populaire de tous et de toutes, de monsieur et madame tout le monde. Et donc, c'est monsieur et madame tout le monde qui est leader, leaduse de cette révolution. C'est pas pour une idéologie précise, ça n'est pas en suivant un leader ou une leaduse nommée ou précisée. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au début du mouvement contestataire du 16 septembre 2022, on était à la recherche de leaders et leaduses, de porte-parole, de porte-voix, mais il n'y en avait pas. Parce que c'est tout le monde, c'est tout le peuple iranien, que ça soit... en Iran, où le peuple iranien, qui pour des raisons politiques ou autres, ont dû émigrer et donc venir en Europe. Donc la diaspora iranienne, tous les Iraniens, tous ensemble, tout d'un coup, ont été fédérés face à cet oppresseur unique qui est le régime de la République islamique d'Iran. Et donc, les gens sortent, que ce soit des ouvriers, des employés, des hommes d'affaires, des femmes, des hommes, des enfants. Des enfants, vous avez des enfants dans des écoles, ça c'est un fait vraiment assez rare que pourrait être noté. des jeunes filles de 10, 15 ans qui sortent et qui manifestent. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Je pense même dans des mouvements contestataires récents, modernes, j'ai pas observé ce genre de choses. Et donc voilà, c'est cette fédération contre un oppresseur unique. Un autre point que je voudrais aussi souligner, c'est que l'Iran et les Iraniens, je pense, et d'ailleurs je tiens à préciser que je parle en mon nom, je suis porte-parole de personne. Moi, ce que j'ai essayé de faire ce soir, c'est juste pour vos auditeurs, essayer d'être le porte-voix de leurs inquiétudes, être le plus fidèle possible leur porte-voix. Mais je n'ai pas de mandat et j'aspire à aucune place, à rien du tout. Voilà, comme ça c'est dit. Mais les Iraniens et les Iraniennes, je pense, ont compris quelque chose, c'est que, en fait, la politique doit être chez elles et la religion chez elles. Comme disait Reza, le fait que c'était un mouvement aussi qui est un peu anti-religieux, mais pas dans le sens forcément, parce que ça c'est un point qu'il faut aussi noter, attirer votre attention, c'est que les Iraniens et les Iraniens sont des personnes historiquement très spirituelles. La spiritualité, hormis le côté religieux, donc spécifiquement à une religion, sont des personnes très spirituelles. Ils ont un rapport à la spiritualité qui est très important. Ils ont fait le choix, enfin malheureusement, ils ont fait l'expérience d'une théocratie, c'est-à-dire vraiment le régime de la religion en tant que pouvoir organisateur. Et ils se sont bien rendus compte que, théocratie ou pas, la religion ici n'a pas pu répondre à leurs aspirations de liberté et à leurs aspirations en termes de prospérité économique. Et donc, ça n'est pas qu'un mouvement anti-islam, ça je veux rappeler, parce qu'il y a beaucoup d'Iraniens qui sont très attachés à la religion islamique, à la religion islamique chiite, et très attachés à leur spiritualité. Par contre, ils ont compris qu'un mollah, ça ne fait pas un bon président. Voilà. Un mollah, ça ne fait pas un bon député. Donc, les curés chez eux, la politique chez elles. Alors, moi, j'ai envie d'ajouter en disant et en insistant sur le fait qu'en effet, on a de l'espoir. Le peuple iranien a de l'espoir. Il y a vraiment une détermination absolue pour vaincre ce régime assassin. Je suis désolée, un régime de dictature qui tue des enfants en rue, il y a quand même pas mal. Je pense qu'on peut parler d'un chiffre de 70 enfants sur les 500 manifestants qui ont été tués pendant le mouvement depuis le 16 septembre. Il y a de l'espoir parce que nous sommes en 2023, parce qu'il y a un esprit ouvert, parce qu'il y a une solidarité. Et c'est parce qu'au premier rang, nous avons deux clés principaux. Nous avons le slogan « Femme, vie, liberté » qui est devenu très vite un symbole universel de lutte justement contre l'injustice. Et deuxième clé, ce sont les jeunes, les ados, qui se battent tous les jours dans les rues, sans compter, sans calculer, pour un avenir, tout simplement, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'avenir. Et donc, cette recherche, cet espoir, ils y vont en rue sans, à tout prix. C'est soit la mort, soit un avenir. Wow. Moi, je sais que l'espoir, c'est gratuit. Alors, on peut vraiment avoir espoir toujours, mais comme un marxiste, je pars toujours sur les sujets réalité objective. À mon avis, ça a été le mouvement actuel, ça a été avec beaucoup de questions très nouveaux dans notre mouvement et aussi pour le monde, parce que j'ai parlé avec beaucoup d'activistes, philosophes, etc. Avec Asef Bayat, si vous connaissez, qui s'est bien occupé avec le Moyen-Orient, Afrique du Nord, etc. Alors, il m'a dit que les nouvelles questions ont besoin aussi des réponses nouvelles aussi. On ne peut pas juste faire un flashback des choses qu'on sait, ça, dans les différents cadres qu'on sait. On a besoin aussi de nouvelles pensées. À mon avis, ça, c'est le moteur et dynamique subjective du mouvement qu'on voit chaque jour dans la rue, quand les amis ils ont parlé déjà. Le mouvement Femme, Vie, Liberté, maintenant, c'est un mouvement. Avant, ça a été juste un slogan. Mais maintenant, c'est vraiment un mouvement révolutionnaire. C'est le seul mouvement que je vois. Certaines minorités ethniques, ils ont répondu très positives, comme les Baluches, Turkmènes, Turcs, Kurdes, etc. Mais bien sûr, on a aussi les Arabes qui n'ont pas bien répondu. pourquoi, etc. Ça, c'est les questions. On ne peut pas directement dire ils n'ont pas avec le mouvement ou ils ont avec, etc. Ça, c'est les questions qu'on parle aussi d'autres minorités. On a les LGBTQI+ en Iran qu'on n'a jamais eu dans notre mouvement, jamais vu dans la rue. Mais maintenant, on voit ça. Et ils ont aussi les voix. Et aussi, on a vu les mouvements étudiants qu'ils ont full force derrière le mouvement. Et ils ont dans le mouvement, ils ont avec le mouvement, ils ont fait les trucs pour le mouvement. Et ça, c'est les choses qu'on doit analyser dans d'autres contextes. Comment on peut continuer avec la force au mouvement? Comment on peut renforcer les autres côtés qu'ils n'ont pas encore fort? Et pourquoi, etc. Et aussi, je pense que dans d'autres niveaux, comme les dehors de pays, en exil, etc., comme nous, on est là. Il y a plein d'efforts de mettre un label, de mettre un symbole, comme tu as dit. Même label. Quel est le label, etc. Quel est le symbole du mouvement? Je vois, à mon avis, c'est complètement personnel, je vois que tous les efforts, c'est plutôt encore mettre un symbole du nationalisme perse, etc. Et trouver les drapeaux, trouver les photos, les choses d'ancien Iran et Persian Empire, etc. Et aussi, d'autre côté, encore un peu, ok, pas ça, mais quand même, on ne doit pas jeter toutes les choses d'or, parce que l'Iran devient comme Syrie, etc., si on fait ça. Ça veut dire, tu vois, dans le mouvement d'or de pays, ils sont encore en train de chercher un symbole pour le mouvement, mais à mon avis, je pense que Pega a déjà dit, à mon avis, le symbole du mouvement, il n'y a pas de symbole, c'est dans la tête du mouvement, c'est le slogan de Femme, Vie, Liberté, qui c'est pas juste maintenant un slogan, c'est dans la racine, dans la corps du mouvement. On voit ça. Si chaque mouvement, chaque groupe, chaque collectif, on essaye de pousser ça, on essaye de renforcer ça, je pense que renforcer ça, ça veut dire qu'on va renforcer le mouvement en général contre les différents discours réactionnaires, discours de régime, discours d'autres groupes impérialistes, pro-impérialistes, etc. Mais sinon, si on ne fait pas ça, on doit suivre le discours actuel, vraiment. Maintenant, le discours actuel, c'est quoi? Au début, ça a été les femmes iraniennes, elles ont cherché d'être comme des femmes européennes. Elles ont mis dans la première page de Le Monde diplomatique, le mouvement en Iran et une femme blonde, blue eyes, etc. Que les femmes iraniennes essayaient de faire ça. Mais après 2 semaines, ils ont changé ça. Juste 2 semaines, pas plus. Parce que ça commençait tous les pays, femmes, hommes, garçons, les âgés, etc., qu'ils ont arrivé dans la rue. Moi, je suis d'accord avec Pega au sujet de génération qu'on voit dans la rue. Et ça, c'est un phénomène important, mais je ne peux pas idéaliser ça parce que j'habite en Europe maintenant, c'est 15 ans, je connais différents mouvements, j'ai été en Cairo, en Égypte pendant les mouvements, j'ai été en Afrique du Nord, j'ai été à l'États-Unis pendant les différents mouvements. Du printemps arabe. Oui, printemps arabe, Black Lives Matter, etc. J'ai été, et j'ai vu exactement la question de génération, ça existe, c'est vrai. Mais ça ne peut pas définir le mouvement parce que les générations, parfois, ils ont complètement avec une distance avec l'histoire de passé et parfois, ils ont bien connecté. Moi, je suis né en prison. Mes parents, ils ont exécuté par le régime. Je suis né là et puis ils ont m'a donné à grands-parents et j'ai grandi dans une famille politique. Mais je sais que plein de gens dans mon âge, ils sont complètement différents. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de famille politique. Bien politisés, pas activistes, etc. Alors, quand on parle sur la génération, on a la génération qui ils ont bien connecté avec le mouvement de passé et aussi la génération qui, avec le bombardement de médias, le système, ils ont vraiment complètement différents. Comme Pega a dit, on a vu dans les rues en Iran pendant les 3-4 mois, les gens qui ils ont fait complètement vraiment une bataille anarchiste qu'on voit jusqu'en Europe ou dans certains pays, parce qu'ils ont bien connecté avec le mouvement mondial. Rien à voir avec le mouvement en Iran, rien à voir avec les rues à Téhéran, etc. Ouais, mais si j'ai bien compris, le slogan « Femme, vie, liberté » que j'avais déjà entendu dans le contexte de Rojava et la lutte des Kurdes en Syrie et en Turquie, d'où est-ce qu'il vient ce slogan? Le slogan, en général, ça vient pendant les guerres civiles en Espagne. Après ça, il y a plein d'écrivains qui ont écrit sur ça. Alexandre Bouchkine, après ça, il a écrit un livre reflété de mouvements pendant les guerres civiles et il a utilisé les slogans comme ça. Mais Marie Bouchkine, l'auteur américain. Oui, mais puis Abdullah Öcalan, le leader du PKK, il a écrit un livre sur la question des femmes et démocratisation en Moyen-Orient et aussi dans le monde. Ça veut dire généalogie. Là, il a théorisé comment les femmes sont les premières forces de révolution dans la région, au pays, avec les théocraties ou les forces religieuses, plutôt Moyen-Orient, Afrique du Nord, etc. Et puis, quand les Kurdes, plutôt les mouvements PKK, ils ont commencé de grandir dans différents pays, différentes villes, etc., ils ont utilisé ça, pas juste comme slogan, vraiment en pratique. Ça veut dire que les femmes, là, ils n'ont pas juste comme modèle de femmes qu'ils ont dans le mouvement. Ils ont les, dans le niveau de diplomate, ils ont les professeurs, ils ont l'armée de PKK, etc. Et ils ont les différents collectifs d'études, etc. Et ça commence comme un vraiment slogan d'un mouvement. Et dans tous les Moyen-Orient, si quelqu'un connaît le mouvement des Kurdes, on sait ça, ça veut dire quoi. Mais en Iran, s'ils ont utilisé ça, parce que ça a commencé dans les régions du Kurdistan. Après, dans le cimetière de Mahsa Amini, les parents, les familles, etc., ils ont utilisé le même slogan. Peut-être qu'ils ont juste utilisé inconscient, mais après ça, dans le contexte d'Iran, ça a bien connecté avec les différentes couches de répression en Iran, les minorités, les économies, les ouvriers et les hommes, etc. Mais ils ont tous suivi les slogans. Ça, je pense que c'est une grande rupture en Iran. Les hommes, ils ont suivi les slogans en pratique. Quand j'ai été étudiant il y a 15 ans, 20 ans, on a protégé les femmes militantes juste contre les soldats qu'ils ont attaqués dans l'UNIF ou dans le mouvement. Mais maintenant, on voit que les femmes, ils ont commencer, continuer et encore dans la rue avec les hommes, ils ont fait les barricades, ils ont fait des cocktails Molotov, ils ont chanté, ils ont chantant, ils ont commencé aussi fait des luttes. Et les hommes, ils n'ont pas juste regardé, ils ont vraiment côte à côte. Ça, je pense que c'est un autre changement de slogan, peut-être on peut dire, ou on peut dire les slogans dans le contexte d'Iran. Parce qu'après Iran, le mouvement actuel, le slogan devenu mondial. Avant, ça a été juste pour le mouvement de Kurdes. Personne n'a répété ça dehors du mouvement de Kurdes. Mais maintenant, on voit partout, les gens utilisaient ça comme le... j'ai vu que dans les différents sites d'Internet, ils ont utilisé ça pour beaucoup de marketing, etc., comme les chaussures, comme les t-shirts. Capitalisme utilise le slogan aussi comme parce ça. Parce qu'il fonctionne bien. Voilà. Ouais, juste pour rebondir sur ce slogan rapidement, mais je crois que le fait que ça soit un triptyque, que ce soit femme, vie, liberté, et que chaque élément de ce triptyque représente bien l'oppression vécue en Iran par les Iraniens et les Iraniens, donc l'oppression des femmes, premièrement, et ça commence, donc c'est symboliquement, même je trouve que c'est beau, c'est que ça commence par femme, puis c'est la vie, c'est-à-dire qu'en règle générale, la vie est chaotique. Que ça soit sur le plan économique, social, et même à d'autres points de vue, même de la gestion publique des affaires en Iran, etc. Donc la vie en règle générale des Iraniens et des Iraniens a été opprimée. Et puis troisièmement, la liberté. Et donc cette liberté que tant et tant recherchent et n'ont même pas eu l'occasion d'y goûter. Et je pense que le fait que le monde s'est globalisé entre 79 et aujourd'hui, 2023, ça a aussi eu un rôle important, c'est que les jeunes générations, c'est pour ça que quand il disait, ouais, c'est vrai qu'il y a des jeunes générations qui, en fait, ne se comparent plus à la génération précédente. Elles vivent leur vie, elles vivent leur nouvelle manière de vivre. Et quand elles observent que une fille ou un garçon du même âge, quelqu'un de 22, 23 ans, 25 ans, en Europe ou en Asie ou en Amérique, vit une vie avec des droits supérieurs aux siens, une liberté qui est supérieure à la sienne, tout d'un coup, il se dit, mais attends, comment ça se fait que je suis en train de subir une situation aussi catastrophique sur le plan de la liberté et que je ne peux, puisse pas avoir droit moi aussi à la liberté. Donc il y a ce côté-là où il y a... même si il y a pas que du positif dans la globalisation, et je pense que il y a même beaucoup de négatifs, parce que sur le point de vue de l'environnement, l'impact négatif que ça peut avoir même sur les économies mondiales et sur une sorte d'impérialisme ou de néocolonialisme sur le sud ou l'est, il y a quand même ce côté on se rend compte qu'on a les mêmes besoins quelque part. Que ça soit un humain en Iran, en Belgique, en Chine, machin, tout d'un coup, on est interconnecté et on reprend conscience du fait que nous sommes une humanité. Et l'humanité, elle est unique parce qu'elle est commun dans ses besoins de sécurité, dans ses besoins de liberté, de prospérité économique. Et donc, je pense que ça a été un mouvement qui a été assez fort, c'est qu'on se rend bien compte qu'en fait, on est les mêmes, on est semblables. On n'est pas identiques, mais on est semblables. Nous sommes des êtres humains désireux de liberté. Voilà. J'aimerais juste revenir sur un élément essentiel que Reza a mis en avant par rapport justement à cette catégorisation en effet des activistes, en fait, la nouvelle génération, qui n'a pas toujours ce vécu, en fait, et le rapport au passé, et qui n'est pas lié à l'histoire. Et du coup, ils ont dans une nouvelle vision et sans vraiment avec une base de référence qui n'est pas la même, en fait. Et puis, d'un autre côté, on a en effet tous ces gens qui ont, toutes ces personnes qui ont tout un vécu qui dirigent en fait finalement ce trajet politique en fait. Et du coup, en fait, c'est la coexistence de tout qui dirige la révolution actuelle. Et moi, je vois ça plutôt en tant qu'une jeune qui a grandi ici comme une richesse, parce que les uns ont besoin des autres. Et c'est ça qui fait qu'on va pouvoir arriver à quelque chose d'objectif, qu'on dépasse en fait la subjectivité, justement. Si j'ai du temps, en une minute, raconter petite anecdote. Moi, j'ai déjà été en Iran à l'époque, donc j'ai grandi ici, mais c'est vrai que de temps en temps, on avait la possibilité de voyager en Iran, même si c'était toujours avec une crainte à l'aéroport, etc. Ça, c'est comme toutes les jeunes filles. Donc, avec toutes les questions qui vous posent à chaque fois dès que vous mettez les pieds sur le territoire iranien. Moi, je me souviens, une fois, on devait quitter l'Iran pour revenir en Belgique et... mon compagnon m'attendait dans l'avion, c'est parce qu'on avait oublié une photo. Sur la photo, en fait, j'étais en robe et la photo, elle était emballée. On l'avait juste oubliée dans la salle d'attente. Et donc, moi, j'ai très vite couru. Je suis revenue, en fait, dans la salle d'attente pour reprendre la photo. Et la photo n'était plus là. On m'a dit qu'il fallait aller dans la partie de... Je sais pas comment on appelle ces parts, mais les gardiens de la révolution qui sont présents, justement. On en parle souvent ces derniers jours. D'ailleurs, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler parce que le Parlement a voté aujourd'hui, donc ça serait l'occasion. Mais donc, ils sont présents aussi à l'aéroport, en fait. Et donc, on m'a obligée d'aller là. Et donc, je suis rentrée dans un bureau. Il y avait 10 monsieur, en fait, 10 hommes, qu'on appelle en effet des gardiens de la révolution, et qui ont commencé à m'interroger et qui ne voulaient pas me laisser partir, en fait, pour une photo, pour vous dire à quel point. Et donc, pour cette histoire de vécu, on a des petits vécus comme ça où on voit à quel point la situation est grave en Iran, mais on n'a pas ce passé qui est dramatique, en fait, et qui dirige, en effet, le trajet politique de certains avec qui, justement, on travaille actuellement en Belgique aussi, dans d'autres pays. Donc ça, c'est vraiment... Mais je le vois vraiment comme une richesse, parce qu'on a des constats différents, on a des histoires différentes, et donc ça permet justement de pouvoir... ça permet que de renforcer le mouvement actuel et d'avancer. Bon, on a vraiment besoin d'une petite pause musicale. Ok, on fait ça, alors. Oui. Oh. Nous revoilà. Maintenant, je ne suis plus sûr de quoi est-ce qu'on va parler maintenant exactement. Alors, moi, je... Allez, oui, vas-y. Je pense que c'est important quand même de parler des canaux de communication, parce que tout un projet, les mouvements, les révolutions, ben, le canal de communication joue un rôle important. Ce qui se passe ici depuis le début de la révolution avec l'Iran, c'est que l'Iran, encore une fois, de façon arbitraire et de par le pouvoir qu'il dispose, il y a l'Internet qui est coupé, il y a des parasites qui sont lancés au niveau du réseau, des GSM, etc. Et donc, c'est assez compliqué, en fait, de vraiment refléter les images réelles de ce qui se passe en Iran. Malgré ça, on arrive quand même via WhatsApp, WhatsApp, Telegram, de recevoir à titre personnel des images que le peuple iranien, en tout cas origine iranienne, qui se trouve à l'étranger, qui peut en effet via Instagram, Facebook et le réseau social, de partager ces images en fait avec les médias externes. Mais donc ça, c'est vraiment important de pouvoir, je pense, couvrir, en tout cas nous, ici à l'étranger, de pouvoir suivre en fait les nouvelles. Et je profite aussi de l'occasion de dire, je pense que c'est important que les médias aussi, ici en tout cas on est en Belgique, donc je parle de la Belgique, que les médias puissent aussi en parler et faire confiance au peuple iranien pour justement porter la parole des Iraniens qui se trouvent en Iran et qui se trouvent bloqués en fait dans un cadre bien limité. Donc voilà. Mais parce que ça, si j'ai bien compris, même la manifestation ici en Bruxelles, qui n'ont pas été couverts ou que les médias mainstream étaient là, mais ils n'ont pas diffusé l'image. Je vais me permettre d'en parler parce que j'ai été à chaque fois dans les organisations, co-organisation des événements. Et en fait, nous, le groupe de jeunes, on avait organisé justement une présence devant l'Office des étrangers. Ça, c'est un exemple. Je ne vais pas commencer à citer le nom des médias ou des chaînes belges qui étaient invités, mais ils étaient là, ils ont pris des images, ils nous ont interrogés. C'est vrai qu'on avait mis beaucoup d'énergie là-dedans et on était tout contents à la fin de la journée parce qu'on avait réussi à entrer en contact avec le cabinet et on a remis un courrier en main propre. Sauf que on a attendu à 19h30, on était devant la télé, on n'a rien vu. Et donc, encore aujourd'hui, on ne comprend pas, mais il y a une déception qui est là. Nous sommes des jeunes qui ont grandi ici avec des valeurs démocratiques de la Belgique. Et donc aujourd'hui, si on bouge justement dans le cadre de ces valeurs qui ont été apprises ici en Belgique. Et donc voilà, je ne peux dire qu'il y a une déception qui est là. Et j'espère qu'à l'avenir, on puisse quand même les avoir, en tout cas, pour porter la parole des Iraniens. Et si nous voulons rester au courant de ce qui se passe en Iran, en tant que Belges, quels sont les moyens, quels sont les canaux qui existent ? Malheureusement, je dois vous dire, c'est Insta pour l'instant qui est le plus... Oui. Il y a la manière d'être en contact, mais... Si vous pouvez avoir ou savoir plutôt quoi, c'est plus important, je pense. À mon avis, essayer d'aider le mouvement internationaliste ou le mouvement international, ça va nous aider et ça va vous aider très bien. Moi, je suis, par exemple, très content de faire une interview ou rester avec vous comme un canal, comme une radio important à Bruxelles. Plus important que la télé ici en Belgique pour moi, parce que je sais que tous les extrêmes à droite et les monarchistes en exil, ils ont bien organisé avec les extrêmement grands médias mainstream du monde et aussi en Belgique. Pour chaque petite chose, ils ont l'image, reportage, etc. Mais on n'est pas. Mais on fait quoi en dehors d'Europe? On fait plutôt avec les équipes comme vous, où on fait un peu comme notre expérience en Iran. Bien sûr, c'est un peu différent que Pega. Moi, j'ai été actif là-bas. On a essayé, on a appris de faire dans le moment que j'ai été étudiant, journal clandestin, comment on fait ça, avec différents noms, avec différents formes, différents formats, etc. On a appris ça, on a fait ça, et je sais maintenant que les gens iraniens, ils ont extrêmement plus fort que dans le moment que j'ai été en Iran au sujet d'Internet, au sujet d'autres manières de digitalisation. Je vois que la production artistique qu'ils ont fait pendant le mouvement, c'est plus que toutes les productions artistiques pendant les 40 ans passés. Ça, c'est énorme. Pendant 3, 4 mois et 40 ans. Les chansons, les performances, les théâtres et les choses populaires que les gens dans la rue chantent ensemble, font ensemble, performent ensemble, aux individus, etc. Ça, c'est très important de savoir, voilà, chaque système est répressif, produit aussi la solution pour les activistes aussi. Quand j'ai été là, avec toutes les différentes censures, on a trouvé notre manière de publier les journaux, vidéos, etc. Dans ce moment, on n'est pas utilisé les smartphones, mais maintenant, tout le monde utilise les minimum capacité d'Internet d'envoyer les trucs, envoyer les images, envoyer les productions artistiques ou juste les choses que les militants ils ont occupées pour les gens qui ils ont dehors du pays. Et ça, c'est aussi notre manière de partager avec vous, l'équipe comme vous, ou parfois, si on a encore, on peut faire encore plus avec d'autres médias aussi. Les choses que, par exemple, moi, j'ai pensé au début du mouvement, parce que ça a été à base de notre expérience ici avec les amis, les activistes militants belges, européens aussi, activistes écologistes, anarchistes, etc. On a décidé de faire une chaîne, par exemple, dans toutes les Europes entre les Iraniens. Si quelqu'un à Berlin ou à Hambourg ou à Zurich peut faire ça avec le Kurdistan, on va organiser demain quelque chose pour Kurdistan ici en face de l'ambassade d'Iran à Bruxelles au sujet de l'exécution de deux Kurdes en Iran à Kurdistan. Et demain à Zurich, les gens ils ont essayé d'utiliser ça pour le mouvement là-bas. Mais on ne peut pas utiliser le mouvement grand média mainstream. Je n'ai pas aucune illusion de ça. Ils ont arrivé dans différentes manifestations qu'on a faites ou différentes actions. Ils ont filmé, etc. Ils ont fait quand même interview. Ils ont demandé les questions, mais après, tu ne vois rien. Et ils ont essayé de juste cibler des choses que, voilà, c'est certain, extrême à droite, etc. Là, ils ont ciblé ça, ils ont montré ça. Ça, c'est chaque jour que ça arrive comme ça. Alors, je pense que c'est plus important, cette proposition de PEGA aussi, qu'est-ce qu'on fait ici, avec qui, mais aussi mouvement média alternatif, c'est important aussi. Moi, je crois de ça, que comme toutes les activités, on a aussi besoin des médias alternatifs aussi. C'est impossible de faire la même chose comme média mainstream. Oui, j'aimerais ajouter à ça, en fait. Oui, il y a les médias et puis il y a tout un... En fait, en 4 mois, on constate une évolution incroyable dans les types d'actions et dans le type de mouvement, de collaboration entre les différents partis, entre les différents organes, entre les citoyens, en fait, tout simplement. Il y a vraiment un management qui s'est installé. C'est incroyable quand tu disais on ne peut pas comparer ces 4 mois de révolution depuis 43 ans. Oui, il y a eu quelques mouvements, mais c'est vraiment, on est dans quelque chose qui marque l'histoire du peuple iranien. Ça a commencé fin septembre, avec des petites actions à gauche, à droite. Petit à petit, il y a eu tout un réseau local qui s'est instauré. Et aujourd'hui, nous sommes en collaboration avec d'autres pays, d'autres mouvements, des générations jeunes qui ont commencé à se rencontrer, les différents partis politiques des différents pays iraniens, bien évidemment, qui se sont mis en contact. Et donc, dès qu'il y a une action, tac, on prend contact avec tous les autres pays et on se mobilise. Lundi dernier, il y a eu le grand rassemblement à Strasbourg, justement pour mettre l'accent sur la demande et la nécessité de placer les gardiens de la révolution islamique sur la liste des organes terroristes. Aujourd'hui, le Parlement a voté. Oui, il faut encore attendre lundi prochain pour avoir la confirmation, mais ça va dans notre sens. Donc, c'est pas... je veux dire, il y a une valeur ajoutée qui est là. Il y a eu plus de, je pense qu'il y a eu près de 20 000 personnes qui s'est mobilisées ce lundi. Et donc le 11 février, il y aura de nouveau un grand rassemblement, parce que c'est l'anniversaire, je pense, de Roménie. Non, c'est commémoration de révolution. Révolution de Roménie. Et donc on se rassemblera à Paris. Donc il y a déjà toute une organisation qui se fait autour de l'organisation de bus, de transport, etc. Donc il y a tout un réseau international qui s'installe entre citoyens, des citoyens qui n'ont jamais fait de la politique, des citoyens qui n'ont jamais été, actifs dans le mouvement iranien. Et donc ça, c'est juste incroyable, incroyable. J'ai peur qu'on devra arrêter plus ou moins ici, parce qu'on a encore un petit agenda avec les activités de la semaine qui vient. Je voudrais juste, si je peux dire, une minute. Je sais que le mouvement, c'est toujours comme ça, comme en Belgique, comme tout le monde, tous les pays. Je ne suis pas bien nostalgique pour Iran, mais je sais, pour mon révolutionnaire, je peux dire facilement que le mouvement en Iran, c'est aussi comme ça. Ça a commencé, ça a continué, et aussi ça grandit, unification. Et maintenant, on est dans une phase, bien sûr. Les gens, ils ont choisi la place, ils ont choisi la côté. Quand même qu'on a, comme Pega a déjà expliqué, on travaille toujours ensemble, performance, etc. Mais les à droite, ils ont choisi la côté. Quelle action, quelle manifestation, avec monarchiste ou pas. Et les gauchistes, anarchistes ou les femmes qu'ils n'ont pas avec eux, ils ont dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait, etc. Parfois, ça semble dans certains pays un peu conflit. Mais je pense que c'est bien d'accepter ou respecter aussi la nature du mouvement. Chaque mouvement, ça veut dire différents côtés, différentes tendances, différentes idées et aussi différentes visions sur la révolution. À mon avis, maintenant, c'est aussi le moment que les gens essayaient de trouver encore symbole, drapeau, personne, figure comme la tête du mouvement. Mais à mon avis, de nature de mouvement en Iran, ça donne beaucoup de leçons que le mouvement, c'est encore très dynamique et on doit encore renforcer facilement la femme, vie, liberté comme réalité objective et mobiliser nous derrière de ça. Peut-être ma dernière intervention, j'aimerais juste dire ce qu'on n'arrête pas de dire. On n'oublie pas, en tout cas le peuple iranien n'oublie pas, ne pardonnera pas et continuera à se battre. Et continuera ce combat. Et on pense en fait à chaque instant aux prisonniers politiques qui risquent la corde de l'exécution. Et on est avec eux. Alors merci beaucoup. Moi, je voulais vous lire une petite chose avant de passer à l'agenda. Alors, j'ai trouvé quelqu'un qui a écrit « Ils ont arrêté Mojane, Fereshtesh est devenu sa voix. Ils ont arrêté Fereshtesh et moi, Ava, je suis devenu sa voix. » Monsieur Khamenei, vos prisons sont pleines de prisonniers politiques. Nous étions des enclumes, nous sommes devenus des marteaux. À nous de frapper. Merci. Belle intervention. Merci. جاودانه می شود. پس به بال Voilà, donc nous allons passer à l'agenda, mais je voulais, Reza, que tu annonces une action qui va avoir lieu samedi devant la gare centrale. Après quelques mois, au collectif Femmes, Vie, Liberté, Bruxelles, et aussi les sympathisants qui ont travaillé ensemble, ils ont aussi les Belges, on a décidé d'organiser une action et puis différentes manifestations internationales dans différents pays qu'on peut. Si on a les gens, si on a les gens qui suivent les statements, etc., on peut organiser ça. Alors, ce samedi, entre 14h et 16h, en face de la gare centrale, on organise une action statique. Et puis, c'est plutôt dans le même moment, dans plus que 10 villes en Europe comme Paris, Bremen, Hambourg, Manchester, Londres, en Suède et d'autres pays. Et aussi, seule ville d'or d'Europe, c'est Melbourne, de le faire. C'est plutôt le corps de chaque pays ou chaque ville, c'est les Iraniens. Je peux dire facilement plutôt gauchistes, anarchistes qui organisent ça, mais à base du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Bien sûr, vous pouvez voir beaucoup de noms. Je peux vous envoyer, c'est plutôt collectif Femmes, Vie, Liberté, par exemple Berlin, Manchester, Bruxelles. Mais ils ont les jeunes activistes comme nous ici. Et ils ont parfois occupé avec d'autres mouvements en chaque pays. Alors je vous invite, si vous avez du temps, de passer là-bas, juste voir de situations ou éventuellement parler avec les gens. C'est pas seule solidarité, mais la grande solidarité avec le mouvement. Ok, merci. Voilà, donc je vais. Donc c'est samedi à 14h, hein, c'est ça? Oui, samedi 14, à 14h. Oui. Il faut vraiment le publier sur Stut Info. Alors, donc, jeudi prochain, donc demain, donc le 23, de 18 à 21h au Steki, vous avez un Blabla Classe 4. C'est les classes sociales et la ville. C'est des ateliers de discussion et de réflexion en groupe sur les thèmes des oppressions et des privilèges liés à la classe sociale et leurs effets sur le corps. C'est gratuit sur inscription. Également demain, de 18h30 à 22h, à la librairie Météor, rue Blas 207 à Bruxelles, le Pavé des Marolles sort son numéro 10. Alors le Pavé des Marolles, c'était un journal à parution aléatoire qui est né en 2017 et qui est fait par des habitants et usagères des Marolles pour parler de petites histoires de quartier qui font aussi l'histoire des villes et celle de Bruxelles en particulier. Donc ça se passe à la librairie Météor. Donc demain également de 18h30 à 21h, à Bruxelles Laïque, avenue Stalingrad 18-20 à 1000 Bruxelles, il y a une conférence autour du livre 1312 raisons d'abolir la police de Gwenola Ricordo. Comment dépasser la simple critique de la police? Quel est le rapport entre la sécurité et la police? À quoi sert la police? D'où vient cette idée d'abolir la police et que retrouve-t-elle au juste? Donc c'est une activité gratuite, mais l'inscription est souhaitée. Et on demande que vous portiez le masque. C'est l'intervenante qui demande que vous portiez le masque. Le 19 janvier 2023, de 18h30 à 20h, également, le 19 janvier, à l'adhésif rue de Liedekerk à Bruxelles, vous avez la première chorale d'Hadès 2023. Alors ça, c'était l'adhésif. Vendredi 20 janvier, de 10h à 15h, au Baume Café. Le Baume Café est un café qui est menacé d'expulsion, qui appartient à la région de Bruxelles-Capitale, mais qui est menacé d'expulsion. Il y a un labo fiction au-delà de la propriété privée. Il faut s'inscrire par mail, c'est souhaité, mais pas obligatoire. Et il faut s'inscrire sur au-delà de la propriété privée en un seul mot, @riseup.net. Le vendredi 20 janvier 2023, de 19h30 à 22h, au Garcia Lorca, rue des Foulons, 4749 à 1000 Bruxelles, il y a une conférence gesticulée, Un casos à l'affiche, Sois bête et tais-toi. C'est une conférence gesticulée de et avec Laetitia Pietka sur la disqualification, le mépris et l'invisibilisation des classes populaires. Le vendredi également 20 janvier de 20h à 23h, l'Anvers rue Mathieu-Paulin à Liège, au numéro 4. Il y a un théâtre débat sur les luttes sociales et l'engagement. On se lève et on se casse. Organisé et proposé par le groupe Nord-Sud de l'IGL et l'intergroupe liégeois des maisons médicales. Donc c'est une, il y a une inscription aussi indispensable. C'est igl@fmm.be. La participation est gratuite. Alors le samedi 21 et 28 et le samedi 28 janvier 2023 de 9h30 à 17h. Il y a au NAST Monique 230 Quai de l'Industrie à Anderlecht, il y a un stage d'autodéfense féministe en mixité choisie de femmes cis et trans et de personnes trans de tous les genres. L'inscription est obligatoire. autodefem@gmail.com et le prix est libre. Alors, le 23 janvier, de 19h à 21h, Cinéma Aventure, rue des Fripiers, au 15 Galerie du Centre 57, bloc 2, Bruxelles. SAS Débat, connivence ASBL, le Cinéma Aventure et le Centre Vidéo de Bruxelles vous invitent à la projection de Les Villes Succombent aussi. Donc, suivi d'un débat, le logement, valeur marchande comme une autre, point d'interrogation. Alors, dedans, il y a notre ami Liévin qui modère le débat. Lundi 23 janvier, donc également, de 20h à 22h, à la Tricoterie, 158 rue Théodore Verhaeghen à 1060 Bruxelles, vous avez le débat Le Dernier Guichet, quand les services publics sont rendus inaccessibles par le numérique. C'est une soirée co-organisée par Bruxelles Laïque, la Tricoterie, le Xara et Médor. Alors, il y a une réservation, tiffany@medor.coop, avec deux O, entrée libre. Le 24 janvier 2023, de 18h30 à 22h, au DK, 70 B, rue du Danemark à Saint-Gilles, il y a une projection rencontre, la sécurité sociale de l'alimentation, un projet en question, organisé par Quinoa et Action Culturelle. Et ce film s'appelle La part des autres, c'est de Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage. Alors, il faut également s'inscrire sur quinoa.be. 24 janvier également de 19h à 22h à l'UPJB rue de la Victoire, rencontre Palestine-Israël, au-delà de la solution à deux États, 30 ans après les accords d'Oslo de 1993, la solution à deux États n'est plus possible. Alors quelle alternative, quel nouveau horizon politique ? Le 26 janvier 2023 de 15h à 17h au Piano Hotel, sans surinscription, 304 rue Haute à 1000 Bruxelles. À 15h, vous avez une table ronde au Piano Hotel organisée par Mounia Ahmad. Ce que fait ma violence, ce que suscite mon trouble, et c'est sur la problématique des personnes internées. Et le jeudi 26 janvier, également le même jour, mais c'est à 18h30, 22h, Ostéki, 46 rue Gustave Defnet à 1060 Bruxelles. Il y a une discussion Ostéki avec Eleni Alementi, c'est internement, santé mentale et abolition pénale. Le 26 janvier également, de 18h30 à 23h, à la Désif rue de Lidekerx à Saint-Josse, et la fête annuelle des brigades d'action paysanne. L'inscription à cet événement est obligatoire, voire en ligne sur Brigade Action Paysanne. Le 26 janvier également, de 19h à 21h30, au Cinéma Aventure, Galerie du Centre, il y a la projection du film Humanity on Trial, qui est de 2019, et de Jonas Brun. Quand il a vu les images de réfugiés arrivant sur les côtes grecques, le jeune Salam Alden a décidé de se rendre sur place pour apporter son aide. Alors qu'il a monté sa propre organisation humanitaire et tente de limiter au mieux les dégâts humains, il est accusé de trafic d'êtres humains par les autorités helléniques. Salam risque la prison à perpétuité pour avoir sauvé des vies. Alors, l'entrée est libre, il faut les retirer auprès du cinéma et il faut voir, dans le cadre du Festival des Libertés. Alors, le 26 janvier. 2023, de 19h à 22h au Cinéma Nova rue d'Ambert, vous avez une projection débat autour du mouvement des Gilets jaunes. Le 27 janvier, de 19h à 1h, au NAS Monique, Quai de l'Industrie Anderlecht à Bruxelles, un karaoké de soutien aux personnes à la frontière Pologne-Biélorussie. Le 27 janvier, de 20h à 22h, au Baume Café rue Plettings, un concert de soutien, Save Baume Café avec les enfants noirs, les enfants du chat noir. C'est du folk song français. Le 28 janvier, samedi 2023 également, de 9h30 à 16h30 et le dimanche 29 janvier de 10h à 14h à BSP XL 47 rue Fritz Toussaint 1050 XL. Il y a YEM, c'est-à-dire Y'en a marre, formation initiale à l'accompagnement administratif et juridique d'une personne sans papier. Le 28 janvier également, de 16h à 2h30, la Poissonnerie, 214 rue du Progrès à Bruxelles. Il y a une soirée rap de soutien pour la Bougie, qui est un centre social occupé et autogéré situé au cœur du quartier Kurugem et qui doit quitter le lieu le 28 février 2023. Encore une propriété de la région Bruxelles-Capitale. Décidément, ils virent pas mal de monde. En s'acquittant d'une facture de gaz mirobolante s'élevant à un peu plus de 20 000 euros pour la période de juillet 2021 à décembre 2022. Alors, je comprends qu'ils demandent du soutien. Et c'est prix libre. Alors, le mardi 31 janvier, toute la journée, Bruxelles et partout en Belgique, il y a une grande manifestation nationale de l'ensemble des métiers du non-marchand. Ensuite, le 31 janvier également, de 16h30 à 18h30, au NAST Monique, vous avez la permanence juridique et administrative LGBTQI+. Et enfin, le mercredi 1er février, de 19h à 22h, à la librairie Météor rue Blaz, le syndrome du patron de gauche avec Arthur Moreau. C'est une rencontre. Voilà, donc vous avez un bon programme et on vous dit, j'espère, je ne pense pas que vous ayez tout retenu, donc allez voir sur le site de Stut Info. Tout est marqué. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. C'est à l'écoute de Transjonal. De Transjonal. De Transjonal.